quinzaine d'années, tous les mouvements sociaux se servent d'Internet pour se coordonner, organiser les débats et se structurer. En 2019, il ne s'agit plus seulement de se donner rendez-vous pour une manif via Facebook, mais de repenser la démocratie à travers des outils numériques. Ces outils, ce sont les civic tech, les technologies citoyennes, c'est une galaxie, voire un univers qui va de la consultation directe, la pétition en ligne, à des outils de contrôle de l'action publique, de lobby citoyen, voire, lorsque les gouvernants tentent de se les approprier, de civic washing, comme on parle de greenwashing. Alors que sont ces civic tech? Peuvent-elles revitaliser l'exercice du pouvoir ou au contraire le faire basculer dans l'ubérisation de la démocratie? Civic Tech vers une démocratie numérique, c'est la question citoyenne qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre ce que sont ces outils de technologie donc citoyenne et comment ils s'insèrent dans le jeu démocratique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Clément Mabi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'UTC de Compiègne. Et bonjour à vous Loïc Blondiot. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au Centre européen d'études sociologiques et de sciences politiques de la Sorbonne. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé via franceculture.fr, en podcast sur votre application préférée, mais toujours en parallèle et en complément via notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors, pour commencer, je parlais dans la présentation d'univers, voire de galaxie, parce que c'est civic tech, on va pas dire c'est technologie citoyenne, puisque l'acception commune est devenue cet anglicisme, alors que les auditeurs qui sont attachés à la langue française me pardonnent, on va parler de civic tech tout au long de cette heure. C'est donc une galaxie très vaste, elle désigne des outils très divers. Quels seraient à vous, l'un et l'autre, votre traduction, votre définition de ce que sont ces technologies citoyennes? Clément Mabi. Alors, déjà, quand on parle de civic tech, moi, j'aime le traduire par technologie à visée citoyenne. C'est-à-dire que ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que si on part des fonctionnalités techniques, on peut s'y perdre. Ça désigne une grande variété d'outils, de fonctionnalités. Ce qu'il faut, c'est essayer de repartir de leur projet politique, essayer de repartir de ce qu'elles veulent faire à la démocratie. Donc, ce qui permet de se rappeler que l'outil en soi ne fait pas démocratie, l'outil en soi ne fait pas participation, mais il est bien mis au service d'un projet et au service de la démocratie. Loïc Blondiot. Oui, alors pour dire les choses de manière très synthétique, les civic tech renvoient à des interfaces numériques, des applications qui visent à transformer les relations entre les citoyens et les pouvoirs. Donc c'est à peu près finalement la définition qui permet d'englober l'ensemble de ces technologies. Mais ces technologies, elles ne font la plupart du temps que reproduire des types d'actions politiques qui existaient depuis très longtemps. C'est-à-dire on a de la pétition électronique, on a des technologies qui visent à interpeller le pouvoir, des technologies qui visent à consulter les citoyens, des technologies qui visent à contrôler ce que font les institutions et ce que font les acteurs politiques. Donc en fait, ce sont des prolongements dans l'espace numérique d'action ou de mobilisation qui pourraient tout aussi bien avoir lieu dans les espaces physiques. Nouvelle forme de mobilisation, d'implication du citoyen dans la collectivité, dans la vie publique, une sorte de grande, de gigantesque agora, peut-être au pluriel même d'agora numérique, Clément Mabi. En fait, je pense que une des premières choses, c'est remettre à sa place la question de la nouveauté. Ce qu'on se rend compte, c'est que le numérique, c'est au-delà des outils, c'est devenu une culture. C'est une culture qui embarque, qui trimballe un certain nombre de valeurs. La participation, la collaboration, la transparence, voire même le bricolage, le bidouillage, le fait soi-même. Et ces différentes valeurs viennent enrichir les pratiques qui constituent le champ démocratique, les pratiques, et notamment les pratiques citoyennes. C'est-à-dire que des dynamiques existantes se retrouvent percutées, se retrouvent peut-être amplifiées par ces technologies et les valeurs qu'elles permettent de mettre en scène. On peut prendre un exemple, cette question par exemple de la transparence qui est intrinsèque dès le code, dès la matérialité technique de ces outils. On se rend compte que ça permet de venir produire des données sur l'action publique et du coup surveiller notamment l'action des gouvernants. Puisqu'on parle de transparence, ces technologies à visée citoyennes, elles sont concomitantes historiquement à la au développement de la culture de l'open data dont on a parlé dans cette émission, c'est-à-dire au milieu des années 90, début des années 90, les mondiaux. C'est un peu plus récent quand même. Vraiment, les civic tech, même l'acception civic tech dans le vocabulaire politique anglo-saxon apparaît, je dirais même dans les années 2010. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Oui, certes, il y a pas mal de recoupements avec les outils d'open data, de mise à disposition des données. Il y a des problématiques propres au civic tech qui sont comparables à celles de l'open data. Par exemple, il y a une vraie interrogation sur qui détient le code. Et en matière politique, plus encore que dans d'autres secteurs, il est impératif que les algorithmes puissent être transparents ou accessibles. Donc on a ce type de problématique. Mais vraiment, cette problématique des civic tech, elle intervient de manière relativement tardive, bien après l'apparition de ce type d'interface dans le monde de l'économie ou dans d'autres univers sociaux. Est-ce que ces technologies à visée citoyenne, ces civic tech, sont avant tout justement des outils, comme vous l'avez dit Clément Mabi, des outils de contrôle, des outils de contestation, des outils de structuration d'un mouvement social, ou est-ce que c'est plus vaste que ça ? Il me semble que c'est bien plus vaste que ça. C'est-à-dire que on trouve globalement deux grands champs d'activité. Il y a toute une série d'initiatives et de projets qui vont donc mobiliser les technologies numériques pour venir former une sorte de lobby citoyen, c'est-à-dire aider la société civile, aider les citoyens à se former, parfois dans une logique collaborative avec les pouvoirs publics ou en dehors, mais pour aider à structurer un point de vue citoyen. Et aider les citoyens à se faire entendre. Bah, ça va être par exemple des outils de débat et d'intelligence collective qui vont, des plateformes qui vont se mettre au service des citoyens pour formuler des revendications. On a vu il n'y a pas très longtemps là, une plateforme qui a été mise à disposition comme ça des Gilets jaunes à La Réunion. Pour 5 000 personnes effectivement qui se sont structurées peut-être un peu plus que ailleurs en territoire métropolitain. Exactement. Et on a une autre grande fonctionnalité qui sera celle de venir amplifier les dynamiques de démocratie participative, c'est-à-dire proposer de nouveaux services aux institutions. Donc on est dans une logique un peu de démocratie participative 2.0. Oui, là on a les deux sphères de la démocratie. On a ce que Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie. Et effectivement, on a tout un outillage des mobilisations citoyennes, des opinions citoyennes qui peuvent aussi se former avec l'information qui est disponible désormais sur les plateformes. Et puis on a la sphère institutionnelle qui elle aussi essaye de connaître un peu mieux l'opinion des citoyens, qui essaye aussi de donner le sentiment qu'elle consulte la population. Donc on a du très institutionnel et on a du très militant. Et effectivement, c'est cette diversité qui fait l'extrême complexité du monde des civic tech. Dans les deux sens, dans ce qu'on appelle le bottom-up et le top-down, c'est-à-dire vraiment de la base citoyenne pour faire remonter des idées. Et il y a une campagne qu'on cite souvent quand on parle de l'émergence des civic tech, qu'on parle de la deuxième campagne de Barack Obama, qui elle serait plutôt du top-down, c'est-à-dire la volonté en tout cas d'élargir son écoute à l'ensemble de ces citoyens numériques, d'avoir une sorte de consultation numérique plus vaste que ce que pourrait être la seule action sur le terrain. En fait, c'était effectivement la deuxième campagne de Mama, un des marqueurs, parce que une des origines des civic tech et de leur déploiement, c'est un projet porté par Barack Obama qu'il appelle l'open government, le gouvernement ouvert. C'est un schéma de gouvernance, un schéma de gouvernement qui propose de transformer l'action publique en s'appuyant en fait sur les données numérique et de réorganiser l'action publique autour de trois piliers. La transparence, notamment grâce aux données, comme on en parlait tout à l'heure, la participation des citoyens grâce à des technologies numériques, et ça a été l'essor des civic tech, et la collaboration. C'est-à-dire, en gros, introduire des méthodes agiles, plutôt issues du monde des entreprises et des start-up, dans l'action publique, pour faire sauter ce qu'on appelle les silos, c'est-à-dire éviter que les services de l'État travaillent séparément, et essayer de mieux collaborer à l'intérieur de l'État et avec la société civile pour co-construire l'action publique. Donc on voit que ce schéma de gouvernance, donc l'open government, le gouvernement ouvert, qui est progressivement arrivé en France, environ en 2011, puis après 2012, politique open data qui s'est développée avec la plateforme data.gouv.fr, et 2013, vraiment, émergence de la civic tech française, on voit que ça a un ADN autour de l'amélioration de l'efficacité de l'action publique. Et ça, c'est un point très important. Et on va voir que ça effectivement soulève, vous l'entendez déjà et vous y pensez certainement chez vous, un certain nombre d'enjeux qui font écho d'ailleurs pour certains d'entre eux, avec la contestation populaire qui a lieu en ce moment. On va parler dans un premier temps, on va essayer de faire un peu un tour justement de cette galaxie et de ces différentes civic tech. Et puis, dans un deuxième temps, on va évidemment évoquer tous ces enjeux de revitalisation ou au contraire peut-être d'appauvrissement de la démocratie directe que peuvent constituer ces nouvelles technologies. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, 16h10 sur France Culture. Nous parlons donc des civic tech, des technologies à visée citoyenne, pour reprendre la traduction qu'en fait Clément Mabi, qui est avec nous autour de cette table, ainsi que Loïc Blondiot. Alors, Clément Mabi, vous avez proposé pour La Vie des Idées une sorte de topographie que je trouve assez intéressante de ces civic tech. Alors, il y en a plusieurs, hein, plusieurs fondations. On peut par exemple penser à la Knight Foundation, qui a fait aussi plutôt en deux gros pôles, qui évoquait tout à l'heure Loïc Blondiot. Mais vous êtes allé un peu plus loin pour proposer justement, oui, quatre grandes catégories de civic tech. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, l'idée de ma cartographie, c'était justement de dépasser une approche par les fonctionnalités techniques. C'est de se dire qu'un outil peut être mis au service d'une grande diversité de projets. Et ça, on le sait depuis très longtemps, à la fois dans le champ du numérique et dans le champ de la démocratie. Donc, ce que j'essayais de faire, c'est de partir de deux tensions, deux grands axes. Le premier, c'est peut-être le pourquoi. Pourquoi on mobilise des technologies numériques dans le champ de la démocratie? Et les deux extrêmes de cette tension sont, d'une part, améliorer le fonctionnement de notre démocratie représentative et institutionnelle telle qu'elle fonctionne, et à l'autre extrémité de cette tension, c'est transformer le système institutionnel, réformer les institutions. Et ma seconde question a été le comment. Là aussi, je suis parti d'une tension qui est celle, à une extrémité, la contre-démocratie, l'indépendance dont parlait Loïc tout à l'heure, c'est-à-dire s'inscrire dans une logique d'indépendance, et à l'autre extrémité de cette tension, la question de la collaboration, c'est-à-dire faire avec les pouvoirs publics. On retombe sur une vieille question de philosophie politique, est-ce qu'on, pour changer les choses, mieux vaut être acteur ou à l'extérieur et faire pression? Donc là, ça nous donne quatre axes. Ça nous donne quatre éléments autour de deux axes. Et autour de ces deux axes, j'ai essayé de faire émerger quatre familles. La première famille, c'est donc ceux qui sont à la fois indépendants et qui en même temps cherchent à améliorer le système. Dans cette catégorie famille, on trouve tous ceux qui travaillent notamment pour la transparence de l'action publique. Alors là, je pense au travail notamment de l'association Regards Citoyens, qui a lancé un outil qui s'appelle nosdéputés.fr, qui est une plateforme en fait de suivi de l'activité des parlementaires. Ils récoltent les données sur l'activité des parlementaires et ils les mettent à disposition des citoyens. Ça, c'est ce que vous appelez les critiques externes. Donc effectivement, on peut trouver vous écrivez de la contre-démocratie, vous dites nosdéputés.fr, nosdéputés.fr, qui sont des citoyens qui jugent, qui évaluent en permanence l'activité effectivement des parlementaires. Tout à fait. Voilà. On trouve une seconde famille qui reste dans cette logique d'indépendance et qui, eux, cherchent à transformer le fonctionnement de nos institutions, à les faire évoluer. Alors cette famille, elle est très largement inscrite dans les communautés du logiciel libre et ce qu'on appelle de l'open source. Et la logique est, on est indépendant parce que nos outils sont développés par des communautés et ensuite sont mis au service des communautés pour porter une action militante et indépendante. Donc ça, ce sont les réformateurs externes, avec des plateformes dont on entendra parler tout à l'heure dans le reportage, notamment make.org ou vox.org, qui sont des plateformes de... Comment est-ce qu'on peut les décrire? Alors, ceux-là, je ne les aurais pas forcément mis dans cette catégorie. Ah bon, alors, autant pour moi. Cette catégorie, en France, il y a un collectif qui s'appelle Fork et qui est assez représentatif de ces communautés qui se structurent dans des événements qu'on appelle des hackathons. D'accord. C'est-à-dire des événements où des développeurs et des militants se retrouvent pour essayer d'adapter, de personnaliser les outils et de les mettre au service d'un certain nombre de causes. D'accord. Alors, ça, c'est plutôt le groupe des réformateurs critiques, du coup. C'est pour ça. C'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Donc ça, c'est plutôt les réformateurs. Ce que j'évoquais, c'est-à-dire make.org et vox.org, ce sont les réformateurs externes, qui sont une autre catégorie. Qui sont, en fait, eux, dans la logique de collaboration. Voilà. Leur logique, eux, ils sont plutôt dans une logique de service proposée aux institutions. Leur idée est plutôt de se mettre au service des institutions et d'apporter plus de collaboration de la part des citoyens. On organise des grandes consultations. On prend le pouls de l'opinion, pour prendre l'exemple de Med.org. Vox.org organise notamment des comparaisons. C'est un outil de comparaison de programmes. On peut essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce que pensent les candidats. Donc ça, c'est une famille qui fait le choix d'améliorer le fonctionnement de la démocratie actuelle dans une logique collaborative. Et on a une dernière famille, ceux que j'ai qualifiés de hackers embarqués, qui, eux, jouent le jeu des institutions, rentrent dans le jeu des institutions, donc ils font du hacking au sens propre, hein, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur les ressources d'un système pour le transformer de l'intérieur. C'est par exemple ceux qui vont faire des primaires citoyennes, qui vont apporter donc une alternative au système des partis politiques traditionnels pour désigner un candidat en ligne. Donc il y a un outil qui a émergé qui s'appelait laprimaire.org, qui a permis à des internautes de venir désigner une candidate qui s'appelait Charlotte Marchandise. Qui n'a pas obtenu les 500 parrainages pour pouvoir se présenter à l'élection. Non, et d'ailleurs on voit bien que cette logique de vouloir transformer les institutions, elle s'oppose à la résistance et à la résilience des institutions. Loïc Blondiaux, sur cette topographie proposée par Clément Mabi, qui effectivement qui permet de recouvrir de manière vraisemblablement assez exhaustive ces différents volets de ce que peuvent être ces technologies à visée citoyenne. Oui, elle me semble assez fidèle de la diversité. Elle me semble aussi permettre de comprendre pourquoi il y a à l'intérieur de ce champ il y a des tensions qui permettent aussi d'éclairer ce qu'est un des problèmes que rencontrent aujourd'hui ces technologies, qui est un problème d'existence économique. C'est-à-dire que pas mal de ces civic tech dépendent alors soit d'un financement philanthropique, alors des fondations, mais on sait très bien qu'en France le système de financement par les fondations est relativement faible par comparaison avec d'autres pays, un certain nombre de ces civic tech dépendent finalement de la commande publique, de l'argent public, et donc sont amenés à travailler, et tout se joue à ce moment-là dans la relation entre les entrepreneurs de civic tech et les commanditaires, où là on est dans des problématiques comparables à celles des consultants dans l'action publique. Alors, dans quelle mesure peuvent-ils continuer à rechercher leurs objectifs politiques militants s'ils sont amené à négocier avec des commanditaires. Mais ce que dit Clément est très juste sur l'aspect résilience, résistance des institutions. Les deux choses sont visibles aujourd'hui. Résilience, c'est finalement je vais m'approprier ces instruments de la critique et je vais les retourner à mon profit. Et ça, les institutions de la démocratie représentative ont réussi à le faire pendant des décennies et des décennies. Là, avec les civic tech, on voit qu'on a une quelque chose d'assez comparable. On va finalement reprendre ces outils et puis essayer de démontrer qu'on est capable de faire participer. Et puis, il y a la résistance aussi des institutions. Ce qui me frappe quand même d'un certain point de vue, c'est le peu de diffusion réelle, de plateformes ambitieuses, le peu de risques qui sont pris par les institutions de la démocratie représentative. Quand on fait, par exemple, que vous pensez, j'imagine, aux consultations que peuvent faire certaines grandes municipalités, par exemple, où on propose de végétaliser un mur ou de détendre les horaires d'un marché, mais où on a finalement très peu d'emprise sur le budget général de l'éducation, des crèches. C'est à ce genre de limite que vous pensez? Absolument. On est typiquement dans le type de situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui la démocratie participative par rapport à la démocratie représentative. Elle sert à bien des égards d'adjuvant aux pratiques traditionnelles de la démocratie représentative, et elle ne bouleverse pas l'essentiel. On reviendra tout à l'heure, hein. Évidemment, on consacrera toute la deuxième partie de cette émission justement à tous ces enjeux et à ce que la façon dont ces civic tech peuvent ou non s'intégrer dans le jeu démocratique institutionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il est en mesure de le bousculer ou non? Est-ce qu'il est récupéré par les pouvoirs publics? Est-ce que finalement, quand le gouvernement lance sa grande consultation qui va commencer mardi prochain, et je vous annonce au passage que France Culture organise une journée spéciale lundi à l'antenne pour évoquer un certain nombre de ces thèmes de la grande consultation nationale, est-ce que c'est pas ce que j'appelais dans l'introduction du civic washing? Est-ce qu'on n'essaye pas justement de remettre à contribution les citoyens, mais tout ça peut-être un peu pour de l'écume et pas vraiment pour une vraie revitalisation du discours et du dialogue démocratique entre les citoyens et les pouvoirs publics? J'aimerais, pour conclure ou pour avancer un peu dans cette première partie plus descriptive, vous proposer d'écouter quelques extraits sonores et que vous me disiez justement comment ces différentes initiatives s'inscrivent dans le schéma que vous avez, dans cette topographie que vous avez décrite, Clément Mabi. On commence par la présentation d'un logiciel de débat en ligne. Écoutez. Vous êtes un service de l'État, une collectivité, un établissement public? Vous souhaitez organiser une consultation en ligne sur un temps court, à plusieurs centaines ou milliers de participants, afin de générer des débats riches et argumentés? Assemble est la solution en ligne qui répond à vos besoins. Vous êtes un participant. Vous vous connectez à une page d'accueil. Vous visualisez les premières thématiques. En cliquant sur l'onglet « Débat », vous entrez dans une première phase d'appropriation du sujet. Choisissez une thématique. Vous démarrez la consultation par des questions ouvertes sur vos préoccupations clés. Et vous pouvez voter sur les réponses des autres participants. Vous entrez alors dans une deuxième phase de discussion ouverte, un espace forum conçu pour le dialogue entre participants. Des fils de discussion s'organisent, les premiers arguments et contre-arguments apparaissent. Dès que certaines idées nécessitent un approfondissement, vous êtes invité à répondre à quelques questions clés. Il s'agit de la troisième phase. Voilà, on va pas vous mettre l'ensemble du tutoriel, ce sera un petit peu long à écouter. Un mot sur cette initiative, de quoi il s'agit et comment est-ce que vous la caractériseriez, Clément Mavie ? Typiquement, Assemble est donc une initiative qui propose une plateforme de débat en ligne. L'idée est de produire et d'inviter les citoyens à participer pour produire ce qu'ils appellent de l'intelligence collective. C'est-à-dire, c'est une optique assez délibérative et d'inciter par la discussion à produire une connaissance commune. C'est un outil qui est issu des communautés plutôt du libre, qui a été développé notamment dans le cadre d'un projet européen, donc qui a une origine, un ADN inscrit dans le monde de la recherche, et qui maintenant propose ses services, notamment sous un angle de marché public, qui se met à disposition des institutions pour faire de la meilleure participation et l'intelligence collective. Oui, avec cette présentation, on a le prototype à la fois d'un discours qui est solutionniste au sens classique de ce que Evgeny Morozov dit de la technologie, c'est-à-dire bon, la solution est là, nous l'avons, et achetez notre technologie et elle va résoudre en quelque sorte tous vos problèmes. Donc il y a une promesse, il y a une inflation là prophétique d'un certain point de vue qui évidemment est remise en cause une fois que l'on voit fonctionner ces technologies. Et puis on a le prototype aussi d'un dispositif qui est aujourd'hui extrêmement répandu et qui recouvre quand même une grande partie de l'univers des civic tech, c'est-à-dire des plateformes qui prétendent tout à la fois faire émerger des contributions citoyennes, permettre à ces contributions citoyennes faire l'épreuve du soutien des autres internautes. Et là, ce qui se joue, c'est une logique purement quantitative, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les contributions qui recueillent le plus de soutien, qui sont les plus visibles, et donc on espère, d'un certain point de vue, faire émerger des solutions à travers cela. Mais ce qui nous manque quand même et ce que ne sont pas réussis à solutionner ce type de plateforme, c'est la délibération, la structuration de la délibération, c'est la clôture d'une communauté finalement qui est amenée à résoudre ensemble un certain nombre de problèmes dans les communautés du libre, parce que ces communautés ne sont pas complètement ouvertes. Il y a ce type de délibération qui produit des solutions qui sont acceptées au final par tout le monde. Là, sur ces plateforme, on ne parvient pas à ce type de délibération, et c'est par rapport à la vie politique réelle, c'est quand même un échec, me semble-t-il. Clément Mavie ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Loïc. Prenons un exemple. C'est-à-dire que finalement, c'est un cadre qui devient plus enfermant qu'un cadre qui permet l'émergence d'une libre expression qui peut vraiment être représentative ou non ? Oui, mais prenons un exemple. La consultation qu'a menée la semaine dernière le 16 dans le cas du débat Gilets jaunes. On a vu que sur les 10 propositions... Le Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil social et environnemental. Ils ont donc mis à disposition une plateforme. Sur les 10 propositions, 9 sont issues des réseaux de la Manif pour tous. Pourquoi ? Parce que c'est l'exemple type que l'outil ne fait pas démocratie. L'outil ne fait pas la consultation. Pour produire de l'intelligence collective, pour produire de la délibération, il faut animer ces consultations. Regardez en présentiel. Qui aujourd'hui imaginerait ouvrir une salle, dire aux gens « venez participer » sans qu'il y ait quelqu'un pour les accueillir, pour animer, pour accompagner la discussion. Et bien là, c'est la même chose. Si on laisse cet espace à la récolte d'avis et surtout qu'on donne le primat à la popularité, c'est-à-dire plus c'est voté, plus c'est valorisé, eh bien c'est la porte ouverte au lobby plus qu'à l'intelligence collective. Pour rappeler pour les auditeurs qui n'auraient pas en tête l'exemple que vous mentionnez, effectivement le 16 avait ouvert une consultation pour écouter, faire remonter les revendications des Gilets jaunes, et la Manif pour tous a complètement noyauté la consultation puisque ce sont des réseaux qui sont très structurés et a fait passer en tête des priorités des Gilets jaunes, donc a complètement faussé la consultation pour faire passer en tête l'idée que la principale revendication serait l'abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous, qui n'est évidemment pas représentatif des des revendications des gilets jaunes au sens strict du terme. Oui, ce que nous rappelle finalement ce type de consultation, et puis ce qu'on peut analyser comme un relatif échec hein, de l'utilisation d'une civic tech dans le cadre d'un débat national, c'est que la discussion démocratique, elle doit être procéduralisée d'un certain point de vue. Et ce que ça nous rappelle, c'est qu'on ne peut pas, dans le cadre, par exemple, d'un débat comme celui qui s'annonce, on ne peut pas tout faire reposer sur des plateformes numériques qui se contentent de collecter des opinions. Il faut des allers-retours entre des interfaces physiques, des situations de réunion. Il faut aussi des moments de représentation. Il faut aussi aller chercher la parole de ceux qui ne sont pas sur les plateformes. Ça, c'est un point absolument capital. C'est-à-dire que les usagers habituels de ces plateformes peuvent être des groupes d'intérêt déjà très mobilisés, mais sont aussi des gens qui ont des capacités à se servir de ces outils que toute la population n'a pas. Donc, il faut utiliser du tirage au sort, ça me paraît tout à fait évident, dans le cadre d'assemblées. Donc, il y a une nécessité de composer à partir d'un certain nombre de dispositifs pour animer un débat, que ce soit à l'échelle locale ou que ce soit à l'échelle nationale, comme aujourd'hui. Autre exemple radicalement différent. Salut, bienvenue sur Acropolis. Acropolis, c'est une chaîne très particulière puisqu'on est une chaîne de streaming en direct sur Twitch. D'ailleurs, cette vidéo, je l'enregistre en direct. Tu vois, il y a un chat à côté. On est une chaîne interactive sur laquelle on parle de politique. En fait, on essaye de rendre la politique accessible pour permettre le débat citoyen. Donc, pour ça, on commente en direct l'Assemblée nationale comme si c'était un jeu vidéo. On fait ça en direct sur Twitch et on fait aussi des vidéos sur YouTube. Et notamment, toutes nos émissions en direct sur Twitch sont sur notre chaîne secondaire qui s'appelle Acropolis Replay. Donc si tu veux voir à quoi ça ressemble, n'hésite pas à aller sur Acropolis Replay. Tous les liens sont dans la description, abonne-toi à cette chaîne, et surtout abonne-toi à notre chaîne Twitch. À très bientôt, ciao. Voilà, non pas que l'Assemblée nationale soit un jeu vidéo, mais parce que les commentaires en direct de jeux vidéo sont très très partagés, font partie des grandes interactions et des grandes chaînes avec beaucoup de succès. Un exemple de ce à quoi ça ressemble, écoutez. Monsieur le Premier ministre, les policiers veulent un plan Marshall sur la durée. Mais alors le plan Marshall, vous vous souvenez que c'était... Nous vous demandons solennellement de leur accorder... Allez-vous, oui ou non, c'est une question simple et précise, leur payer les 24 millions d'heures supplémentaires que leur doit l'État ? Merci, monsieur le député. Voilà, question d'Eric Ciotti, questeur de l'Assemblée nationale et député Les Républicains, qui, c'est pas surprenant de la part d'Eric Ciotti, veut plus de moyens pour les forces de l'ordre. Il veut un plan Marshall pour les forces de l'ordre. Le plan Marshall, vous vous souvenez, c'était cette aide financière qui avait été donnée par les États-Unis à toute une partie des pays européens, pas seulement, mais européens entre autres, après la Seconde Guerre mondiale, pour qu'ils puissent se reconstruire. Donc, en gros, ce que ça veut dire, plan Marshall, c'est on veut beaucoup de pognon pour les forces de l'ordre. Voilà, un exemple donc d'un tout autre exemple. On est dans du commentaire vidéo, mais dans du commentaire vidéo en direct. C'est un exercice périlleux, mais c'est un exercice, là pour le coup, qui recouperait la catégorie que vous appelez de critique externe, Clément Mabi. Tout à fait. Et c'est surtout un bon exemple de cette manière dont la culture du numérique, parce que le commentaire de jeux vidéo est une activité extrêmement populaire sur Internet et sur le web, vient transformer et ouvrir de nouvelles formes de citoyenneté, de nouvelles pratiques démocratiques. Et là, on est dans ce que le numérique peut produire de meilleur, c'est-à-dire attirer finalement un public qui n'ira jamais dans des réunions de quartier, qui n'ira jamais. Et effectivement, en utilisant les codes, à la fois langagiers et visuels, et effectivement, le numérique produit ça, et c'est quand même la grande force des civic tech, me semble-t-il. On va parler aussi d'un autre acteur français important dans le domaine de ces technologies à visée citoyenne. C'est la plateforme Make.org qui organise donc, comme on le disait tout à l'heure, des consultations en ligne. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes donc rendu dans les bureaux de Make.org pour comprendre comment cette plateforme s'organise. Oui, Make.org est une plateforme citoyenne qui organise des consultations massives pour l'intérêt général. Cela peut concerner des problèmes sociaux comme les violences faites aux femmes, l'accès à la culture pour tous ou bien le mouvement des gilets jaunes. Chez Make.org, on trouve des data scientists, des développeurs et autres spécialistes en affaires publiques et tous travaillent ensemble pour analyser les propositions du grand public, des données qui peuvent être ensuite utilisées et appréhendées par les politiques. Notre point de vue est que le dysfonctionnement démocratique qu'on perçoit tous aujourd'hui n'est pas un problème de l'exercice de la démocratie, mais un problème de modèle institutionnel dans lequel la démocratie s'inscrit. Les institutions représentatives sont là pour nous protéger, sont des acquis, mais on s'y attaque de façon à les réactiver et à leur redonner une performance. La grande cause Stop Violence Faite aux Femmes. On a orchestré avec les associations un accord avec les grandes chaînes hôtelières et Expedia, de façon à ce que les associations puissent mettre à disposition des femmes qui ont besoin d'être exfiltrées de chez elles en cas de violence faite aux femmes, les chambres d'hôtel invendues au dernier moment. Et bien cette action-là, qui est une action pure de la société civile, est une action qui multiplie par 3 l'hébergement d'urgence des femmes en France. Notre deuxième mode d'opération, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire évoluer les institutions. Aujourd'hui, les Gilets jaunes sont un mouvement qui est un mouvement populaire. Ce n'en fait pas pour autant un mouvement démocratique. Ce qui en fait un mouvement démocratique, ce serait que son fonctionnement soit démocratique, d'une part, et que d'autre part, avec un fonctionnement démocratique, s'il interagisse avec les institutions de façon démocratique. Et dans un tel conflit, quelle est votre méthodologie pour mettre en lien justement les enjeux, les préoccupations des citoyens avec des mesures politiques ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? On commence d'abord par faire des consultations très importante, de plusieurs centaines de milliers de personnes. On demande aux gens de répondre à une question ouverte. Ça peut être quelles doivent être les priorités du gouvernement, comment améliorer et accélérer la transition énergétique. Mais le but de cette consultation, c'est très important de le comprendre, c'est de faire sortir deux grands corpus. Un premier corpus qui sont les consensus, c'est-à-dire ce groupe considéré, quelles sont ces réponses engageantes sur lesquelles il est consensuellement d'accord, et parallèlement, quelles sont les controverses. C'est-à-dire quelles sont les propositions émergentes sur lesquelles il y a vraiment un clivage entre des gens très d'accord et des gens qui sont très contre. Et c'est cette matière-là qui permet une interaction réelle avec les pouvoirs publics. Et donc les algorithmes que vous utilisez doivent prendre en compte toute cette sémantique et la classifier et la hiérarchiser finalement ? Alors non, en fait, tout ce processus-là, c'est un processus qu'on fait à la main. Le travail de modération, d'orthographe, de tagage et de déduplication, il se fait à la main. Il se fait à la main assisté par algorithme et c'est un opérateur qui valide. En fait, l'algorithme permet d'accélérer le temps de traitement du modérateur. Là où il y a un algorithme qui est très très important, c'est celui qui va avoir toute cette matière, toutes ces propositions modérées et qui va, en les soumettant au vote des utilisateurs, va orchestrer une compétition entre les idées citoyennes. Et être capable de dire au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, voilà les trois consensus qui ont émergé de la consultation et voilà les trois controverses qui ont émergé de la conversation. Et on est complètement open source, nos algorithmes sont complètement transparents et au-delà de ça, on a mis en place un conseil éthique qui valide la totalité de notre organisation, comme quoi elle est indépendante et non partisane. Donc en fait, vous avez toute une équipe de data scientists. Alors là, vous avez l'équipe data qui est à fond avec David qui dirige cette équipe avec brio et dont la mission, en fait, c'est effectivement de pouvoir orchestrer les algorithmes de façon à ce que la modération soit le plus efficace possible, même si elle est validée par des humains à chaque fois. Ben oui, notre travail, nous, c'est de prendre la matière qui nous vient des citoyens, donc la matière brute, sous forme de proposition en 140 caractères, et de faire deux choses avec. La première chose, c'est de l'organiser, cette matière, pour qu'elle soit interprétable et qu'on puisse avoir une idée, une cartographie de l'opinion. Donc ça, on le fait avec de la modération assistée par l'intelligence artificielle. On essaie de classer les propositions dans ce qu'on appelle les tags. Donc on essaie de voir quel est le problème ou l'enjeu traité par la proposition, quelle solution apporter, qui va mettre en œuvre la solution et comment. Et donc ça, c'est fait à la fois avec des algorithmes qui essaient de prédire et de mettre dans les bonnes cases des propositions, et en même temps revu par un humain derrière pour assurer la qualité du contenu. Et la deuxième chose, sur toutes ces propositions, on va demander aux citoyens de voter dessus et de la qualifier, donc de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord, et d'expliquer pourquoi. Et nous, on utilise ces votes pour justement faire émerger les meilleures propositions, celles qui ont le plus large consensus et qui à la fois sont réalistes. Et donc là, on a un algorithme qui passe derrière et qui va essayer de donner la même chance à toutes les propositions d'émerger. Mais comme on ne peut pas faire voter tout le monde sur toutes les propositions, qui sélectionne quelles sont les propositions les plus intéressantes à soumettre aux citoyens pour voir faire émerger les meilleures. Et c'est cette balance pas évidente que nos algorithmes essaient de réaliser. Mais en fait, il s'est passé quelque chose dans les deux dernières années. La question de la démocratie qui s'affaiblit est devenue centrale. On a fait signer à plusieurs pays, à plusieurs grandes villes, ce qu'on appelle l'initiative pour une démocratie durable, et qui prenait acte, tous ces pays-là, la France en tête, prenait acte du fait que nos démocraties sont en train de s'affaiblir et qu'il est urgent de réimpliquer massivement les citoyens dans leur fonctionnement, dans le fonctionnement des institutions, en plus des élections. Voilà le reportage du jour sur cette plateforme Make.com. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous entendez, Loïc Blondiaux. Oui, alors là, on voit bien, effectivement, ce qu'essaye de faire une plateforme comme celle-là, c'est de cartographier l'opinion. Et on entre là dans une concurrence assez directe avec les sondages d'opinion. Hein. On a une forme renouvelée de sondage qui a des avantages par rapport aux sondages d'opinion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'imposition de problématiques de l'enquête par sondage. On peut penser qu'on a affaire à des formes d'opinion un peu plus préconstituées. Ça, c'est la première chose. Mais on a des défauts, c'est que les sondages d'opinion permettaient d'avoir des éléments assez précis sur la représentativité socio-démographique des intervenants. Et ça, sur le net, c'est un point aveugle majeur. Et puis, on est beaucoup dans ce qu'on appelle les bulles d'information, c'est-à-dire qu'on va participer à ces consultations en ligne si c'est un sujet qui nous touche. Donc, on a finalement une question de représentativité très forte qui se pose, j'imagine, Clément Mabi. En fait, ceux qui viennent participer, sur Internet, il y a une dimension émotionnelle très forte. C'est-à-dire que l'émotion est un facteur de mobilisation en ligne. Et ce qu'on se rend compte, c'est que autour de ces plateformes qui cherchent à agréger des publics, eh bien, on a du mal à voir d'où ils viennent, qui ils sont, et comment se constituent ces groupes, et quelle est leur représentativité. Et ce qui est assez clair, c'est que la représentativité du web est assez peu représentative de la population générale. Donc il faut avoir en tête ce décalage. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h35, nous parlons donc des civic tech, des technologies à visée citoyenne, en compagnie de Clément Mabi, qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'UTC de Compiègne, et de Loïc Blondiaux, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au Centre européen d'études sociologiques et de sciences politiques de la Sorbonne. Mais comme tous les mercredis, eh bien aux alentours de 16h30, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Tatiana de Ferrodi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse en convention CIFRE avec l'association Décider Ensemble à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le titre de vos travaux de doctorat, ce que hacker la démocratie veut dire, pratique et représentation des entrepreneurs de la civic tech. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Merci et merci de cette invitation à présenter ma recherche qui porte donc sur les civic tech ou plus précisément sur les acteurs qui font la civic tech en France. En effet, quand on parle de civic tech, on fait en général référence aux technologies civiques, c'est-à-dire aux applications web ou mobiles qui permettraient aux citoyens et citoyennes de s'engager et de participer à la vie publique. Cependant, les technologies ne sont jamais neutres et pour comprendre en quoi les civic tech permettraient de hacker la démocratie, il faut s'intéresser aux acteurs derrière ces outils. Ce sont eux qui, comme dirait Romain Badoir, vont mettre en technologie un projet politique. Aujourd'hui, la civic tech désigne un groupe en cours de constitution auquel sont associés des acteurs très divers. Vous avez des collectifs citoyens, des associations, des entreprises de conseil ou des consultants, ou encore des startups du numérique qui peuvent tous se revendiquer de la civic tech. En plus, on a des chercheurs, des experts, des journalistes, des élus ou des agents publics qui vont aussi s'impliquer dans ce milieu. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui fait l'unité des civic tech? Qu'est-ce qu'elle représente réellement? Qui elle représente réellement? Quelles sont les frontières de ce milieu, mais aussi les dissensions et fractures internes à ce milieu? Donc ma recherche doctorale va interroger la constitution de ce milieu à partir de l'interaction entre les acteurs de la civic tech et les institutions, afin de comprendre en quoi elles se constituent comme de nouveaux intermédiaires politiques et à deux niveaux. Premièrement, et malgré un discours de neutralité et de désintermédiation par le numérique, ces acteurs s'intègrent au marché de la démocratie participative comme prestataires. Ils ont un rôle donc d'intermédiation entre les gouvernants et les gouvernés, en fournissant des outils numériques mais aussi des méthodologies et des services d'accompagnement qui sont destinés à organiser la participation citoyenne. On peut donc les considérer comme de nouveaux professionnels de la participation, ce qui est, selon la définition d'Alice Mazo et de Magali Nonjon, des acteurs dont l'activité professionnelle consiste à organiser, animer et évaluer la participation, mais aussi des entrepreneurs de cause qui vivent pour et par la démocratie participative. Plus précisément, je me demande dans quelle mesure ils s'intègrent dans ce groupe des professionnels de la participation ou s'en distinguent. En effet, les professionnels de la civic tech vont importer et réactiver des métiers, des compétences et des idéologies qui sont associées à d'autres professionnels de l'intermédiation. Les professionnels de la communication, qui ont été étudiés par Éric Neveu, les consultants politiques, ou encore les professionnels de la fabrique de l'opinion. Loïc Blondiaux parlait tout à l'heure justement de cet aspect. Baptiste Cotras a aussi étudié le social media analysis, qui fait aussi une fabrique de l'opinion repensée par le numérique. Deuxièmement, ces acteurs se constituent comme des entrepreneurs de cause, ou selon l'expression de Ward Baker, comme des entrepreneurs de morale. Ceci signifie qu'ils vont s'organiser pour produire un discours, réaliser des actions, mettre en place des stratégies, et se regrouper en coalition afin de porter un problème public qui est spécifique, de le faire reconnaître et de rendre légitime leur positionnement. Donc au-delà des prises de parole régulières en public, de la publication d'articles et de tribunes dans les médias et de l'usage des réseaux sociaux numériques pour interpeller les représentants politiques, ces acteurs sont aussi invités à prendre part à des auditions, des groupes de travail qui sont organisés par le gouvernement, l'Assemblée nationale ou encore le Conseil économique, social et environnemental. En fait, les acteurs de la Civic Tech, s'ils sont aujourd'hui peu nombreux, se voient malgré tout attribuer ou s'attribuent un rôle de représentant de la société civile. Et de représentants de cette demande de participation qui serait exprimée par les citoyens. Ils se voient enfin reconnaître une expertise sur la nécessité et les manières de faciliter l'engagement citoyen. Donc dans le cadre de ma thèse, j'analyse le paradigme de la citoyenneté qu'ils développent et ce qu'ils transmettent par leur discours, leur engagement public, mais aussi à travers les outils et méthodes qu'ils appliquent en tant que professionnels. Enfin, je m'intéresse au rôle spécifique que jouent les réseaux, les associations et les porte-paroles qui vont se donner pour mission de structurer ou de représenter ce milieu de la civic tech. Merci beaucoup Tatiana de Ferrodi, vous restez avec nous, hein. C'est un parfait vos travaux pour introduire cette deuxième partie d'émission justement sur les enjeux et dont vos travaux pointent effectivement un certain nombre de points de nœuds gordiens, disons, de ces civic tech. Clément Mabie, une réaction à ces travaux et à cette présentation que vous venez d'entendre. Non, mais bravo à Tatiana, ça pose bien les choses, hein. Ce qu'on voit bien, c'est quand même cette espèce de mélange des genres où les mêmes acteurs vont à la fois contribuer à cadrer le problème, à le définir, à produire des discours sur la démocratie, sur les difficultés qu'ils rencontrent, et en même temps, c'est les mêmes qui proposent les solutions. C'est-à-dire, ils contribuent à définir le problème auquel ils apportent des solutions. Et on voit bien que ça crée une sorte de mélange des genres qui est difficile à cerner et qui pose problème parce que les solutions répondent à certains types de problèmes et pas forcément à ceux qu'on voudrait entendre. Luc Blondieu. Oui, non, c'est très utile à mon avis de faire ce travail de sociologie politique, hein, pour comprendre qui sont ceux qui portent ces discours, quelle est l'efficacité, la performativité de ces discours, parce que il y a quand même une promesse là très très forte, hein, derrière ça, c'est de trouver des solutions à la démocratie. Il y a un danger, c'est-à-dire je ne suis pas sûr que même ceux qui utilisent ces plateformes numériques croient vraiment qu'on va arriver à trouver des solutions au déficit de participation des citoyens, à l'incapacité des gouvernements à satisfaire les intérêts de la population, etc. Vous voyez comme la distance entre la promesse et ce qu'accomplissent ces technologies est incroyablement forte. Il y a une expression que vous avez utilisée que je trouve effectivement assez parlante, Tatiana Ferrodi, vous dites qu'il s'agit de mettre en technologie un projet politique, ce qui m'amène à cette question, est-ce qu'il n'y a pas dans ces technologies à viser citoyenne, dans ces civic tech, finalement, une sorte de biais ontologique qui serait que, finalement, c'est avant tout structurer une parole qui est d'emblée une parole de défiance vis-à-vis de la démocratie représentative, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que, finalement, on structure là aussi, où il y a un biais de représentativité énorme qui fait que ces technologies s'adressent avant tout, finalement, à des gens qui cherchent eux-mêmes, qui ne croient plus, finalement, en la représentativité des institutions telles qu'elles fonctionnent à l'heure actuelle, Clément Mabie. Tout à fait. En fait, on part du principe, on prend comme acquis le fait que la démocratie est en crise, et on part aussi donc comme on prend comme point de départ le fait que finalement le numérique va permettre de rapprocher l'utilisateur final d'une solution. C'est des transformations qu'ont connues d'autres champs en fait avant. Dans le champ de la culture, on a pu dépasser les intermédiaires et rapprocher l'utilisateur notamment dans le champ de la musique par exemple, des artistes et de la consommation directe des biens. On a vu ça dans le champ des transports avec c'est exactement ce qu'a fait Uber, hein, en dépassant les intermédiaires et en mettant directement en relation l'utilisateur final avec un service. Et bien là, la logique est la même. Ubérisation de la démocratie. Mais oui, on est dans cette logique-là. La démocratie connaît des dysfonctionnements. Pour dépasser ces dysfonctionnements, on va faire intervenir le citoyen directement là où il y a le problème. Et il y a cette idée que le numérique pourrait permettre de dépasser les intermédiaires et d'accéder directement au problème. Et donc de court-circuiter finalement tous les corps intermédiaires. Voilà, le risque, c'est effectivement un effet d'éviction, de négation finalement de la nécessité de ces intermédiaires en démocratie. Et en fait, on s'aperçoit que toutes les transformations politiques au cours de l'histoire vers plus d'égalité, vers plus de justice, sont passées par des mobilisations, sont passées par des intermédiaires. Or, ces technologies, elles semblent en phase avec un moment politique qui est quand même très clair, un moment où vous avez d'un côté des élites gouvernantes qui effectivement se méfient des corps intermédiaires et finalement voient dans cette plateformisation de la démocratie une des solutions pour rester en contact avec la population, et vous avez toute une partie de la population mais qui dont le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'elle était croissante, qui est dans un état d'aversion à l'égard de toute forme de représentation, à l'égard de toute forme de délégation à des porte-paroles. Et donc c'est une technologie qui semble être ajustée au moment présent, mais dont les risques et les effets pervers sont tout à fait incroyables, parce que de mon point de vue, il est difficile de concevoir à l'échelle d'une nation une démocratie qui se fait sans intermédiation. C'est une position philosophique sur la démocratie que l'on peut discuter, que l'on peut, mais elle me semble tout à fait réaliste. Et on voit que ça met d'ailleurs la classe dirigeante dans une sorte de position paradoxale ou intenable ou en tout cas voire absurde, puisque on voit que le gouvernement va lancer là en l'occurrence donc mardi une grande consultation qui veut par ailleurs réfléchir, puisque l'un des pans de cette consultation c'est précisément la revitalisation de la démocratie, de l'interrogation directe, de la mise à contribution, puisqu'il y a même des kits qui peuvent être téléchargés pour participer, donc une sorte d'incursion dans les civic tech. Et de l'autre côté, on entend le ministre Bruno Le Maire dire ce matin, mais les électeurs ont voté, ils se sont exprimés une fois, le référendum d'initiative citoyenne, donc ça ne sert à rien d'interroger systématiquement les électeurs, puisqu'on les a interrogés, qui sont prononcés au moment des élections constituantes, la présidentielle et les législatives. Clément Mabie. En fait, on peut même peut-être renverser le paradigme et se demander, ces civic tech, c'est cette participation qui émerge en marge des institutions, est-ce que finalement c'est une solution à la crise de la démocratie, ou c'est pas plutôt un symptôme de cette crise et un symptôme de la difficulté de communiquer avec les gouvernants, et un symptôme plutôt que les canaux sont bouchés plutôt qu'une véritable alternative. Loïc Blondiot. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement aujourd'hui un risque énorme. Je crois un risque à la fois pour les mouvements sociaux, c'est-à-dire pour ces citoyens qui veulent se faire entendre. Je ne suis pas sûr que ces plateformes soient le meilleur moyen de se faire entendre. Si on réfléchit finalement aux mobilisations qui ont fonctionné exclusivement au travers du net au cours de ces dernières années. Combien y en a-t-il ? On cite très souvent une pétition sur la pêche en eau profonde avec plusieurs millions sur le chalutage profond qui a fonctionné. On voit émerger là cette fameuse pétition. Bon, on est là dans une logique quantitative, c'est-à-dire que on a le sentiment mais les technologies en elles-mêmes ne peuvent jamais se substituer à des mobilisations, et les Gilets jaunes d'un certain point de vue ce qu'ils ont fait c'est reconstituer des espaces de discussion physique finalement extrêmement archaïques sur les ronds-points. Ils se sont politisés par la discussion, alors aussi à travers les réseaux sociaux. Bon, il y a tout un aspect de la réalité aujourd'hui des usages du numérique en politique qui sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faudrait réfléchir finalement à l'articulation entre les civic tech, qui sont une forme assez institutionnelle et finalement au final assez institutionnalisée et structurée du discussion politique, et puis celle, et en fait les mouvements citoyens aujourd'hui préfèrent se mobiliser ou en tout cas échanger sur les réseaux sociaux qu'au travers des civic tech, et ça doit interroger. Il y a un autre biais qui ne m'apparaît pas qu'à moi, en tout cas qui a été souligné à plusieurs reprises, c'est aussi celui de la représentativité. Évidemment, on peut penser à la fracture numérique, à des personnes qui ont plus ou moins accès, qui sont plus ou moins à l'aise avec ces technologies numériques, et avec le biais qui, si je le caricaturais, pourrait se résumer de la façon suivante: les jeunes blancs connectés parlent aux jeunes blancs connectés. Clément Mabie. En fait, d'un côté, oui, les jeunes blancs urbains connectés qui parleraient aux jeunes blancs urbains connectés. Mais peut-être, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Parce que finalement, attention à ne pas plaquer un discours trop inclusif sur ces technologies. Dans quelle mesure elles auraient véritablement vocation à permettre à tout un chacun de participer. Quand on veut ressourcer, rénover la démocratie, laisser de côté les personnes âgées, les personnes moins éduquées qui ont moins accès au réseau, à l'internet, à ces technologies-là, c'est tout de même un peu problématique, non ? Évidemment, mais je disais ça de manière un petit peu provocatrice. Ce que je voulais dire par là, c'est que peut-être que ces outils ne conviennent pas à tous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas la solution pour revitaliser la démocratie, mais une des solutions pour revitaliser la démocratie. Je pense qu'on peut difficilement penser participation numérique sans l'articuler avec de la participation en présentiel, sans l'articuler avec différentes formes de participation. En gros, ce que je voulais dire, c'est que la participation, c'est de l'artisanat. Et toute cette volonté de développer une ingénierie, une reproductibilité très forte et quasiment industrialiser la participation citoyenne, à mon sens, est problématique. Ce qu'il faut, c'est faire du sur-mesure, aller chercher les gens là où ils sont. Par exemple, concrètement ? Concrètement, je pense que les publics les plus fragiles, ils ne viennent pas en réunion publique et ils n'iront pas forcément non plus sur les applications ou sur un site web. Il faut aller les chercher, il faut les accompagner. Maintenant, on parle beaucoup de médiation numérique, et bien on parle beaucoup de médiation, et je pense qu'il faut aller là où sont les gens, aller à leur rencontre physiquement et les accompagner vers des services et les accompagner vers les institutions. Un des risques majeurs, c'est de tout faire reposer sur les plateformes numériques en termes de participation, pour des raisons de coût aussi. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, la démocratie participative, elle a un coût. Elle nécessite des intermédiaires, elle nécessite des professionnels qui vont essayer de mettre en relation les différents acteurs. Donc, pour des raisons de coût, on met une plateforme, on ne mobilise pas les gens pour qu'ils aillent sur la plateforme, et on constate qu'ils ne viennent pas sur la plateforme. Parce que, en termes numériques, finalement, il y a très peu d'usages, oui. il y a très peu de grandes réussites. Une autre question de la représentativité. En termes d'usage. Oui, ça se compte en centaines. On est très content quand il y a 30 000 personnes qui participent à l'élaboration d'une loi, comme en décembre 2015, sur la République numérique. 30 000, c'est déjà beaucoup, hein. Et moi, je pense que c'est effectivement beaucoup, mais, À l'échelle de la population française, qui est 66 millions, 67 millions. Et effectivement, cette absence d'usage, justifie les élus qui disent ben finalement les citoyens ne s'intéressent pas à la politique, finalement la participation ne les intéresse pas, on leur propose des choses, on leur offre des choses, ils ne viennent pas, et donc il y a un discours de culpabilisation des citoyens. Alors ce que montre le mouvement des gilets jaunes, et c'est ça là vraiment la nouveauté, la surprise, c'est qu'il y a un désir de politique, il y a un désir de participation, il y a un désir d'expression politique, mais que les plateformes numériques n'avaient absolument pas réussi à capter, et voilà, c'est donc que la solution, elle réside ailleurs, si on veut vraiment faire de l'inclusion et de la démocratie. Mais ça veut dire que l'utopie politique qui est derrière ces technologies à visée citoyenne, derrière ces civic tech, c'est une technologie du contact direct entre le peuple et les gouvernants, c'est-à-dire effectivement la fin de l'intermédiation. Est-ce que ça peut exister ? Est-ce que c'est pas un projet populiste, finalement ? Est-ce que c'est pas un projet excluant, encore une fois, pour une partie de la civilisation ? Est-ce que c'est pas un projet un peu limité dans le fond et dans la forme, Clément Mabi ? Ce qu'on se rend compte, c'est que cette idéologie de la désintermédiation, de la relation directe et du dialogue direct, finalement, elle ne fonctionne pas véritablement. C'est-à-dire que derrière, ce qu'on se rend compte, c'est que l'outil ne fait pas une consultation en soi. On en parlait tout à l'heure avec la consultation du CESE. Et il faut des moyens humains. Il faut modérer, il faut animer ces outils. Il faut, par exemple, s'interroger sur la question de la synthèse. C'est-à-dire quand on récolte énormément de contributions, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les traite ? Est-ce qu'on les confie à des algorithmes ? Qui conçoit ces algorithmes ? Comment on vérifie Un algorithme, c'est une opinion, comme disait Cathy Oni à ce micro il n'y a pas très longtemps. Absolument, c'est la mise en technologie d'une opinion. Qu'est-ce qu'on fait donc de cette synthèse ? Qui sont les humains qui interviennent derrière ? Comment on traite ces contributions ? Comment on rend compte de ces synthèses aux gens qui ont participé ? Autant de questions qui replacent en fait ces outils dans une logique politique plus traditionnelle et qui invitent à considérer les civic tech dans l'écosystème de la participation citoyenne. Parce que le mythe de la participation directe renforce en fait une forme de démocratie de l'opinion. On met l'opinion au pouvoir. Et est-ce que c'est souhaitable en démocratie de laisser l'opinion purement gouverner ? Voilà, ça se discute. Loïc Blondiot, parce qu'il y a des exemples. Alors, on citait tout à l'heure la campagne de Barack Obama, mais il y a un autre exemple qui est, par exemple, celui de la Constitution islandaise en 2011. Oui. Il y a un wiki qui a été ouvert, un wiki participatif. Alors, on est sur une communauté nationale qui est une communauté beaucoup plus petite, donc c'est peut-être plus gérable. Il y avait peut-être un problème d'échelle à ce niveau-là, mais ça pose la question tout de même de savoir si l'État, si les gouvernants, si l'action publique peut se départir de ce civic washing, de dire regardez, on va ouvrir une grande consultation et dire d'un autre côté, mais en même temps, vous avez voté, donc c'est pour notre programme. Oui, mais le cas islandais est très très illustratif de ce qu'on disait tout à l'heure. En Islande, il y a eu effectivement une consultation numérique de la part du comité d'écriture de la Constitution, mais auparavant, il y avait eu une assemblée de 1000 citoyens tirés au sort qui avaient dégagé un certain nombre d'axes pour l'écriture de la Constitution. Donc on avait, et puis après, il y a eu un référendum, c'est-à-dire une technologie politique relativement classique. Donc on a utilisé plusieurs outils, plusieurs dans un processus d'assemblage politique qui me paraît correspondre à ce qui est nécessaire aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que le numérique ne sert à rien. Si on regarde du côté de Barcelone aujourd'hui, très clairement, la plateforme que met en place la nouvelle municipalité d'Ada Colau, qui se réclame d'un idéal d'inclusion démocratique et dont le slogan c'est « gouverner en obéissant ». C'est vraiment un slogan qui effectivement engage à consulter la population. Bon, cette plateforme, elle permet soit de consulter de bas en haut les citoyens et pourquoi pas, ça peut être nécessaire sur un certain nombre d'enjeux, sur un certain nombre de projets, soit permettre aux citoyens de faire émerger des questions, de faire émerger des projets et d'essayer de rechercher des soutiens. Donc on a quand même une forme d'auxiliaire de la démocratie, mais à condition qu'il y ait une vraie volonté politique de coopérer avec les citoyens et d'encourager la politisation de sa population. On oublie généralement que une technologie qui s'inscrit dans un système de représentation et dans un système de pratique qui reste absolument identique à ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire dans lequel les élus pensent que les citoyens sont plutôt encombrants qu'autre chose et sont trop incompétents pour faire quoi que ce soit, et dans lesquels finalement on continue à faire prévaloir des formes très très traditionnelles de gouvernement, cette technologie elle sera totalement impuissante à changer quoi que ce soit. Là où la technologie a changé quelque chose, c'est là où il y avait une vraie volonté politique de la part des élus qu'elle change quelque chose. C'est-à-dire dépasser le vote pour la végétalisation du mur ou pour l'ouverture des heures de crèche, quoi. Exactement. Non mais c'est ce qui sont des consultations locales dont on ne se moque pas par ailleurs, enfin, qui sont des consultations locales qui sont très, très importantes, qui sont une forme de démocratie participative directe. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut passer à l'étape d'après, c'est-à-dire effectivement une étape consultative qui soit une étape finalement plus essentielle au fonctionnement démocratique d'une cité au sens large du terme. Pour le dire très simplement, moi il me semble que au jour d'aujourd'hui on dispose d'énormément d'outils. C'est-à-dire que l'ingénierie de la concertation maintenant, et notamment grâce aux outils numériques, on dispose de beaucoup d'outils pour consulter la population, pour interpeller les élus, pour inaugurer de nouvelles formes de dialogue. On a des manières de faire, on a des méthodes à disposition pour consulter. On peut tirer au sort des assemblées, ensuite partager ce produit produit en petits groupes à des plus grandes masses de citoyens via les outils numériques. On a plein de choses à disposition. Ce qu'il faut derrière, c'est un projet politique qu'il porte. Il faut de la volonté politique, c'est-à-dire qu'on ne fera rien tant qu'on n'est pas inscrit dans une volonté politique. Et on garde une question de participation traditionnelle, c'est qu'il y a beaucoup de préalables à réunir pour que la participation ait du sens. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler de ces technologies à visée citoyenne. Merci Clément Mabi, merci Loïc Blondiot, merci Tatiana de Ferrodi. Deux choses à vous dire, puisqu'il y a grande consultation, il va y avoir à partir de mardi, lundi prochain, le 14 janvier, France Culture ouvre grand le débat en amont de ce débat qui va être ouvert, une journée spéciale, les matins, la fabrique de l'histoire, les chemins de la philosophie, tout au long de la journée, le grain à moudre évidemment, la grande table, toutes ces émissions vont être déclinées pour amorcer un peu la pompe de ces différents débats qui doivent irriguer la société française à l'initiative du gouvernement. Et puis pour vous dire également qu'avant cela, samedi, c'est le forum France Culture, l'année vue par les savoirs, toute une journée avec, encore une fois, histoire, philosophie, culture et puis les sciences pour se poser la question, cette fois-ci, du réchauffement climatique, non pas comment l'empêcher, mais comment vivre après, comment vivre dans un monde à plus de degrés. On se pose la question samedi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. C'est sur liste d'attente, mais des places vont certainement être réouvertes. Ce sera sur franceculture.fr et maisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de La Méthode scientifique, Éléonore Pérez, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Casubert à la technique. Et demain, dans le prochain épisode de La Méthode scientifique, nous recevrons le physicien Sébastien Balibar pour nous parler de l'histoire des scientifiques en exil, de ceux qui ont fui l'Allemagne nazie à ceux qui fuient aujourd'hui le conflit au Proche-Orient. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire. France Culture, l'esprit d'ouverture.